16h18 sur Radio Arc-en-Ciel. Il vient juste d'arriver dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Il est en train de boire son petit café tranquille parce que nous ici, on a les moyens de payer du café quand même. Richard Ramos, député MoDem du Loiret dans notre studio. Il est là dans moins de 3 minutes et ça me fait vraiment plaisir de le recevoir en direct. Merci d'être aussi nombreux l'après-midi. On est en direct 96.2 FM sur Radio Arc-en-Ciel. Pour que je me sente vexé. Les critiques qu'on me faisait me peinaient et me blessaient. Mais tout ça c'est lui passé. Je faisais de la montée pour croquer la vie à pleine. T'en fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vainement. Rien ne changerait, c'est mes vainements. Non. Profiter des temps importants. J'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Dans ces selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vraiment. Qu'un temps je restais d'événements. Pour ne pas regretter, je donne le meilleur de mon amour, ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Je donne le meilleur de mon amour, ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de mon amour, ne pas me lamenter, ne pas abandonner. J'y suis arrivé à l'avoir, il est dans les studios, ça me fait vraiment plaisir. Non, c'est pas Kinvé. Ah, ça pourrait. Et prendre la vie du bon côté, ça c'est bien. Richard Ramos, il arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Eh bien, j'y suis arrivé après avoir été dans son bureau il y a quelques mois. Il est dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ou de t'accueillir. Comment on peut se tutoyer ou pas, Richard? On se tutoie dans la vie, donc je vois pas pourquoi on continuerait pas sur les antennes. C'est vrai qu'on s'est tutoyé quand t'es arrivé. Bonjour, Richard Ramos, député MoDem du Loiret de la 6e circonscription. Comment tu vas bien aujourd'hui alors? Très bien, bonjour à toutes et voilà, à tous. Voilà, tu sais que sur Radio Arc-en-Ciel, beaucoup d'auditeurs portugais. Voilà, oui. on est beaucoup orléans de portugais. Moi, je suis pas portugais, mais bon, ça me dérange pas. Rien n'est parfait. Voilà, rien n'est parfait. Ça fait 5 ans que je suis sur Radio Arc-en-Ciel et je suis fier d'être sur Radio Arc-en-Ciel. Comment il va en mode Covid, entre guillemets, Richard Ramos? Il va parce qu'il combat, mais il va pas parce que quand je vois à Orléans, et tu le sais bien, les restaurateurs, les entrepreneurs, c'est un peu compliqué. Donc il va parce qu'il a gardé la hargne du combat. Voilà, on a gagné quelques combats et voilà. Donc, mais c'est difficile pour tout le monde. Donc on se met un peu au diapason de nos Orléanais. C'est des fois compliqué. C'est compliqué, c'est pas facile. Justement, tu dis on a gagné quelques combats. Je vais en parler justement de tes combats, un combat que tu as gagné récemment. Ça va peut-être faire sourire quelques auditeurs. On va parler de camembert, camembert de Normandie. Alors moi, ça me fait sourire parce que moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai que le mot peut faire sourire. Camembert de Normandie, tu as gagné un combat par rapport à quoi, Richard Ramos? Alors explique-nous un petit peu. C'est simple, les grands industriels, notamment le groupe Lactalis, voulaient mettre du lait pasteurisé, c'est-à-dire du lait très chauffé, dans l'appellation camembert de Normandie. Ah. Et ça veut dire que dans un camembert, vous avez des fois un petit logo qui s'appelle AOP, dans plein de fromages français. Mmh. Et ça veut dire quoi quand on met AOP? Ça veut dire que c'est le goût du terroir français. Et c'est faux alors? Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire en faisant chauffer le lait? S'ils rajoutent du... Et s'ils avaient mis du lait pasteurisé, c'est pas... ça veut dire qu'on n'aurait plus le goût du terroir. D'accord. Ça veut dire qu'on aurait uniformisé les goûts. Ça veut dire que là où vous aurez mangé un camembert de Normandie ou un camembert ailleurs, c'était la même chose. Ouais. Et le combat qu'on a gagné, il faut savoir qu'on l'a gagné pour le centre Val-de-Loire, puisqu'après d'autres auraient voulu faire la même chose de nos quatre appellations de fromage de chèvre. Et donc quand on mange un fromage au lait cru, ça veut dire que ça a le goût de l'herbe. De la vache. Et donc une herbe, quand elle est mangée en altitude ou en plaine, elle n'a pas le même goût. Et donc le fromage n'a pas le même goût. Et ce que voulaient faire ces salopards, c'est qu'ils voulaient uniformiser les goûts. Et je le dis souvent, quand on uniforme les goûts, on uniforme la pensée. Et moi, je veux pas qu'on pense tous la même chose. Bravo, j'ai envie de dire, Richard, président, des fois. Alors, tu m'as volé la question, parce que j'allais te poser justement la question. Pourquoi aller jusqu'en Normandie, alors qu'on est en Val-de-Loire, ben justement, par rapport au fromage de chèvre, etc. Parce que quand ces salopards auraient réussi à le faire sur le camembert, qui est l'emblème du fromage français, et en plus, du fromage de madame tout le monde, de monsieur tout le monde, c'est-à-dire des plus humbles, eh bien, s'ils avaient gagné ce combat-là, ils seraient venus gagner bataille. Et donc, on les a rebootés, je dirais, hors de la malbouffe. Ah, c'est un peu le Jeanne d'Arc d'Orléans, alors. C'est ça, il y a un côté Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, faut jamais oublier que c'était... Fais gaffe, elle a fini sur un bûcher, hein. Elle a fini sur le bûcher, mais elle a fini... Quand on meurt sur le bûcher, par ses convictions, on reste encore dans l'histoire quelque chose. Et Jeanne d'Arc, c'était, ne l'oublions jamais, la fille du peuple qui parlait pas français. Et donc c'était la fille du peuple qui, au-delà de sa personne, défendait des convictions. Et moi, je le pense parce que je suis orléanais, j'aime bien ce petit côté Jeanne d'Arc. Et ben voilà, en tout cas, félicitations. Alors on parle de camembert, on parle de plein de choses avec toi pour bien démarrer cette émission. D'ailleurs, ça nous met en appétit. Une lutte encore contre le jambon. Alors le jambon blanc, c'est ça. C'est ça. Alors vous battez contre, justement, tu te bats contre les additifs dans le jambon blanc, le sel nitrité. Alors tu peux expliquer un peu aux auditeurs qu'est-ce que le sel nitrité, parce que beaucoup d'Orléanais ou Orléanaises ou de personnes qui habitent Saint-Jean-de-Bray-Olivet achètent du jambon blanc souvent pour les gamins ou même pour nous à des prix pas trop chers. Il y en a souvent dans les supermarchés, on en voit. Voilà. Alors il y en a certains qui sont pas bons, tu dis, pour la santé. Il y en a qui sont vérifiés, tout ça, on peut expliquer. Nous, on a fait un rapport parlementaire. Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, les grands scientifiques sont venus au Parlement nous le dire dans le rapport que j'ai eu la chance d'animer. Quand il y a du sel nitrité dans la charcuterie, ça tue. Ça tue. Mais ça veut dire, c'est officiel, ça a été prouvé. C'est les scientifiques sont venus nous le dire. C'est 5000 morts de cancer colorectal. Alors c'est quoi le sel nitrité? C'est quoi? C'est qu'en fait c'est du nitrite et du nitrate. Et donc on met du sel et on met 0,6% de sel nitrité. Et ce sel nitrité, quand il rencontre le fer dans la charcuterie, ça fait un effet cocktail. Et cet effet cocktail, c'est ce qui donne le cancer. Et donc c'est pas le nitrite en lui-même, c'est pas le nitrite qu'on trouve des fois dans les légumes, c'est l'effet cocktail entre le sang de la viande et le nitrite qui fait qu'il y a des risques de cancer. Et ça c'est sur le jambon blanc bas de gamme, on va dire, entre guillemets. Alors c'est quoi? C'est une alimentation de vitesse. Il y a le jambon pour les pauvres et un jambon pour les riches. Si il faut avoir les moyens, en gros, si je comprends bien. C'est exactement ça que tu es en train de décrire. De vitesse. Et alors, est-ce que c'est normal? Eh bien non, c'est pas normal. Et puis je vais te dire quelque chose. Vas-y. Regarde, ils mettent du sel nitrité. Pourquoi? D'abord parce qu'ils veulent la couleur rose. Et quand même, faut que ça ressemble. Ouais, d'accord. Et c'est quand même, c'est bizarre. Tu as dit toi-même un jambon blanc. Ouais. Ça veut dire qu'on veut qu'un jambon blanc soit rose. Ça veut dire qu'avant il était blanc et pas rose. Donc on le colore. Avec le sel nitrité, on lui donne ce petit coup rosé. Et donc c'est 3 centimes d'euros de plus par tranche, 3 centimes d'euros de plus par tranche quand on ne met pas du sel nitrité. Mais je me refuse, moi, en France, qu'il y ait deux alimentations. Ouais. Une pour les riches qui auraient le droit de manger sainement et une pour les pauvres qui auraient le droit de prendre le risque de crever. Ouais. Et ça, c'est un de mes combats et je l'ai depuis avant que je sois député. J'étais avant chroniqueur gastronomique sur France 3. J'ai eu pendant 20 ans des journaux pour enfants pour leur apprendre à bien manger. C'est mon combat. On a le droit de manger même quand on est humble sans s'empoisonner. Qu'est-ce qui te donne aujourd'hui l'envie justement de faire ces combats, de faire avancer toutes ces choses que personne ne connaît forcément, parce que ça fait des années que ça existe, ce jambon nitrité qu'on achète dans les supermarchés. Moi, j'en achète personnellement aussi. Alors pourquoi aujourd'hui continuer, lutter? Pourquoi toi et d'autres personnes s'y ont mis ou s'y mettent? J'ai mon ami Perico Legas qui est grand chroniqueur gastronomie, qui fait manger ses votés sur la chaîne Sénat. Il est à TV Tour, il est chroniqueur à Marianne, c'est également le mari de Natacha Polony. Perico m'a dit: Richard, t'as gagné un combat que je mène depuis 20 ans. Alors c'est quoi le succès aujourd'hui, là, Richard? Pourquoi un succès pour toi? Comment tu as fait? C'est quoi? Parce que 20 ans. Parce que je n'ai pas peur des puissants. Parce que les puissants ne font pas peur. Les puissants ne font pas peur. On m'a dit tu finiras dans un camp calé. Souvent on dit c'est Goliath contre un, tu vois. Oui, mais les combats, ils ne peuvent se gagner que si on les mène. Mmh. Et donc moi, ce qui est ma force aujourd'hui, c'est de mener des combats justes. Et je vais vous le dire, j'ai une fierté, par exemple. Vous voyez, quand il y a 2 ans, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale m'invite comme invité d'honneur à la fête de l'UMA. Eh bien, je me dis que j'ai dépassé ces clivages à la con politique. D'accord. Ça veut dire que on doit mener des combats justes. Et moi, c'est ça qui m'anime. Et puis les gens qui te regardent de temps en temps dans la rue, mais pas qu'à Orléans, et qui me disent, vous êtes Monsieur Ramos. L'autre fois en Belgique, et gentiment, c'est pas, ne prenez pas ça pour de l'avantardise. Monsieur, vous êtes Monsieur Ramos. Oui, ben, vous savez, moi, j'aime pas la politique, je crois que je suis pas à votre bord, mais j'aime bien votre combat, vous me réconciliez avec la politique. Eh bien, quand j'entends ça... T'es quelqu'un de terrain, t'es quelqu'un qui en veut. Hein. Ce matin, j'étais dans une famille algérienne que je connaissais pas, ce midi... T'as pris un couscous ? Elle m'a fait un couscous, m'a fait une chorba à l'entrée. Ouais. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant, je lui ai donné un coup de main dans mes fonctions, et elle me dit, mais comment je pourrais vous faire plaisir ? Et je lui ai dit, ben, je viens manger chez vous ce midi, j'ai 1 heure, mais ça va me faire plaisir de connaître votre famille. Et donc, oui, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est d'aller chercher l'histoire de chacun. Ouais. Et donc, ce qui me motive à moi, c'est quand je suis utile. Et le député, c'est celui qui est des fois la relation de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Alors, je t'ai suivi un peu dans l'hémicycle, t'as eu un coup de gueule, un hémicycle avec, je crois que c'est avec Véran, je crois, Monsieur Véran, si je peux l'appeler comme ça. C'était avec Monsieur Véran, je crois, le coup de gueule que t'avais eu, non? Oui, oui. Ouais. Mais... on l'a repassé en boucle, celui-là. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ce jour-là? Mais parce que... Explique-nous un petit peu ce coup de gueule, comment il est venu? Ben parce que... Avant de parler justement des restaurants, des discothèques, des plein de choses. Parce que, moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on tienne un double discours. C'est-à-dire que au Parlement, ce que je défends, quand quelqu'un vous dit t'as raison et qu'on est à la buvette, et quand il arrive dans l'hémicycle ou quand il arrive en commission, il dit l'inverse. Là, je sors. Il y a une buvette dans l'hémicycle. Ah, il y a une très très bonne, pas dans l'hémicycle, mais juste à côté. Ah, ouais, à côté. Ouais. C'est l'endroit le plus important, la buvette. Buvettes, faut que tu comprennes que la buvette est la plus importante. D'accord. Vous êtes combien à la buvette? Alors, ah là là, c'est terrible. Non mais attends, c'est terrible. Non mais faut balancer des choses parce que nous interdit les bars, les restaurants. Alors non, mais c'est terrible. Il faut savoir combien vous êtes à la buvette. Alors, à la buvette, ils respectent exactement le fameux 8 mètres carrés. Oui, bien sûr. On bouffe en quinconce. Ouais. Et on a considéré ça comme un restaurant de, on va dire, d'entreprise. D'accord? Mais je vais dire un truc. À la buvette, il y a un restaurant au 8e étage, pareil, bu sur la Tour Eiffel. Ça vaut 30 balles à peu près le repas. Ah, quand même. Et là, on mange avec des couverts vrais. Des assiettes vraies. Il n'y a pas de plastoc. Voilà. De plastoc. Et au 7e, pour nos collaborateurs et le personnel de l'Assemblée, c'est du plastique. Pourquoi? Pourquoi cette différence, Richard, alors? Eh ben, c'est parce que, et donc, tu devrais gueuler, demander du plastique. Quoique le plastique, c'est pas bon pour la planète. Bien, on va y venir. On va y venir. J'ai poussé un coup de gueule. Voilà. Et j'ai dit au directeur du restaurant, je vous laisse 15 jours. Okay. Si dans 15 jours, les gens qui sont les employés et nos collaborateurs n'ont pas le droit de manger normalement, alors soit tout le monde en est avec du jetable, soit tout le monde en est avec des vrais couverts. Voilà. Et tu vois, tout le monde me dit, t'emmerdes pas avec ça. J'ai dit si, le jour où je vois une injustice, et une injustice autour notamment de l'alimentation qui est mon thème de prédilection, j'arrête de faire de la politique. T'arrêteras, hein. T'as pas peur des fois d'être sur un siège éjectable, entre guillemets, avec tes grands coups de gueule dans l'hémicycle comme ça? Si, tout le monde le sait, j'ai été convoqué parfois. Quand t'arrives là-haut, on te regarde bizarre, on te salue Richard. Non, mais non, je crois que, honnêtement, je suis un chanceux. J'ai beaucoup de députés de tous les bords politiques. Vous m'entendez bien? Tous les bords politiques, sauf le Front National, parce que c'est un peu compliqué pour moi. Mais tous les bords politiques avec qui je travaille, avec qui je signe des PPL, des propositions de loi, alors qu'ils sont pas de mon bord politique. Donc moi, je m'en fiche de tout ça. Et je crois que sur ces sujets-là, j'ai fait perdre des ministres au banc. Ouais. Parce que j'avais une majorité de gauche et de droite avec moi. Et donc, non, je suis plutôt bien vu. Où je suis mal vu, c'est souvent les puissants. Les puissants. On va en revenir. Tu parles de puissants. T'aimes bien aller contre les puissants. Avant d'attaquer deux questions. Les restaurants, les bars, les discothèques, ils sont le dernier roule du carrosse. Fermés, t'as pas envie de t'attaquer aux puissants, leur dire, ils ont mis des protocoles, ils proposent des protocoles, ils proposent des choses, et on va parler aussi des bullying, etc. J'ai deux questions pour toi, Richard. Les restaurants ont mis des protocoles en place. Il y a eu des tables avec 2 personnes, avec des distanciations, avec ils ont tout mis en place. Les bars aussi, enfin certains bars, parce que des bars ont abusé. C'est vrai, il y avait des abus, et ça, j'en suis témoin. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les discothèques, on n'en parle pas. Ils sont pas ouverts depuis le 14 mars 20h. Ils sont fermés. Aujourd'hui, toi. Si tu devais voir les puissants leur dire, tu leur dirais quoi aux puissants par rapport à tout ça, toutes ces fermetures qui sont peut-être injustifiées entre guillemets? Alors, faut pas faire de la démagogie. Les puissants, je les rencontre sur ce sujet-là. Je leur ai dit la chose suivante. Sur les restaurants, il faut être honnête, on va dire que le gouvernement a joué le jeu, par exemple, par rapport aux 10 000 euros par mois. Oui. Vraiment, il a joué le jeu. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que je ne comprends pas et je vais signer une tribune. C'est sur Radio Arc-en-Ciel que je l'annonce, parce que je n'ai pas encore annoncé. Ah, tu peux? Pour la réouverture. Il y a 8 000 personnes qui t'écoutent sur la région, à peu près. Je suis pour la réouverture et je vais signer une tribune des restaurants le midi. C'est-à-dire que je veux qu'on réouvre tous les restaurants en France le midi. Pourquoi? Parce que pourquoi les restaurants d'entreprise seraient ouverts? Et pourquoi le gars ou la fille qui n'aurait pas la chance d'avoir un restaurant d'entreprise, mais qui pourrait aller dans les mêmes conditions sanitaires, manger dans son petit restaurant du quartier, n'y aurait pas le droit? Et donc, je vais lancer une tribune nationale sur la réouverture des restaurants le midi, parce que on a besoin de vivre. Oui. Aller au restaurant, c'est une espèce de parenthèse. Moi, je veux des ouvriers qui mangent sur le trottoir, dans leur bagnole. Exactement, c'est lamentable. Tu le sais bien, puisque j'ai bagarré contre ça, et on a pu réouvrir les repas dans les restaurants avec le bâtiment. Et donc, pour moi, c'est important. Et puis, tu es aussi un professionnel des boîtes de nuit que tu connais bien. Oui, je connais. On a un vrai problème avec les boîtes de nuit. On a un problème. C'est que, il me semble, moi, je suis pas un spécialiste, donc je fais pas je fais pas le fanfaron. Mais il me semble que je bois un verre un soir. Mais il me semble que dans les années 80, on appelait ça le milieu. Pourquoi on appelait ça le milieu? Parce que les boîtes de nuit étaient tenues par des mafias. C'est ça, mais ça a changé, attention. Attention, mais c'est bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce sont des vrais professionnels qui tiennent les lieux de nuit. Exactement. Et si on les fait tomber, si on ne les raide pas, parce que quand on veut acheter une boîte de nuit, les banques ne suivent pas. Personne nous prête. Et donc, ça veut dire que si on ne fait pas attention, on va retrouver des gens qui vont racheter des boîtes de nuit et ça va être des caïds. Ça va être pire. Et donc je dis au gouvernement, je l'ai dit au ministre, il faut aider les boîtes de nuit parce que ceux qui sont aujourd'hui en place sont de vrais professionnels. Et s'ils tombent, les boîtes de nuit seront rachetées par les mafias. J'ai envie de t'applaudir des fois, franchement. Bravo. Non mais là tu me donnes chaud au cœur parce que moi je suis patron de boîte de nuit et c'est vrai que comme tu dis maintenant ça a changé, le milieu de boîte de nuit a changé. Alors j'ai une question pour toi monsieur Richard Amos, député. Alors vous revendiquez vouloir donc défendre les petites entreprises, pourriez-vous nous dire ce que vous comptez faire pour les fermetures des deux trampolines parcs situés à Orléans et Saint-Denis-en-Val qui à mon sens sont des fermetures injustifiées puisque toutes les autres parcs de France sont ouverts. Il paraît même que les gérants de ces entreprises ont demandé à faire appliquer le principe d'égalité en faisant fermer les 116 000 gymnases de France qui utilisent les mêmes matériaux qu'eux. Alors, pour réagir à cette question, voilà, c'est un patron de... Alors, très clairement, qu'est-ce qui se passe? On a des trampolines ici avec des mousses. Il y en a deux. Et les services du SDIS, c'est-à-dire les services en gros des pompiers, sont venus et leur ont dit, vos mousses sont pas aux normes, je vous ferme le bouclard. Ouais, voilà. D'accord? Alors que les gymnases sont équipés de ces mousses. Alors, on comprend pas trop. Mais moi, c'est très simple. J'ai écrit au président du conseil départemental sur le sujet il y a 6 mois. Voyez, je ne m'attendais pas à la question, mais il y a 6 mois, vous pourrez demander aux deux interlocuteurs qui ont dû vous donner ce message-là. Et je leur ai dit, mais c'est anormal. La loi, elle doit s'appliquer pour tout le monde. De tout le monde. Et en plus, je ne rentre pas dans les détails, mais les boules de mousse, je dirais, la mousse est pas aux normes, mais ce qui est autour empêche que ça brûle à l'intérieur. D'accord. Et donc, ça veut dire que là-dessus, moi, je suis pour qu'on applique la loi partout pareil. Et là, à Orléans, il me semble que c'est injuste. Je l'ai écrit au président du conseil départemental. Donc ça, c'est en cours. Qui m'a dit, c'est le SDIS, c'est qui décide. Voilà. Moi, j'ai l'impression que dans ce dossier-là... Au-dessus du SDIS, il y a qui au-dessus, alors, qui peut décider? Parce que les pompiers, ils sont gentils, mais... Alors, c'est quand même eux qui décident, mais il faut une commission nationale sur le sujet. Et donc, il faut se battre. C'est vraiment injuste. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est que... Tu défends ça? Je défends ça parce que... Tu t'en occupes? Mais je m'en suis occupé. Je crois que le propriétaire, son nom commence par un L. Et donc... Oui, monsieur. Il s'appelle comme toi, Richard. Je peux le citer, donc, il m'a envoyé la question tout à l'heure. Vous voyez bien que, encore une fois, aucune des questions qu'on a tous les deux n'était prévue. J'ai pas... Non. On m'a pas envoyé. Richard, donc je voulais pas te faire de questions piège. On m'a envoyé une question, je te la pose. C'est une question simple. Non, mais c'est juste pour dire aux auditeurs que j'ai pas eu les questions par avance. Non, il y a rien à préparer. Et celui-là, ce fameux Richard, je l'ai reçu à mon bureau. Voilà. D'accord? Et donc, moi, j'ai trouvé que sur ces mousses-là, il y avait quelque chose qui était pas juste. Ouais. Et donc, j'ai écrit, je vais relancer, parce que le fait de poser la question, ça peut me relancer. C'est ça. Je veux que si c'est dangereux, on interdise. On le dise, on interdise partout en France. Partout. On ferme les 116 000 gymnases, malheureusement. Exactement. Et les gamins ont plus d'activité. Voilà, c'est malheureux. Exactement. Merci Richard d'avoir répondu à cette question. Une deuxième question, prévoyez-vous de défendre les entrepreneurs qui n'ont pas de revenus depuis des mois? Les assurances ne couvrent pas, les chefs d'entreprise ne sont ni éligibles à aucun type de chômage ou autre. Y a-t-il une solution d'après vous, Richard Ramos? Alors, c'est vrai, ça c'est la vraie réalité. Il faut tout regarder parce qu'il y a des auto-entrepreneurs qui ont le droit, d'autres qui n'ont pas le droit. De toute façon, ce qui est certain, à partir du moment où on dit qu'on est patron, à partir de quand justement? Oui, si on est auto-entrepreneur, on est patron, on n'est pas patron. Oui, alors quand on est auto-entrepreneur, on est patron. Hein. Oui, voilà. Mais encore une fois, on a des aides. On a des aides et puis il y a des gens qui payent moins de charges que d'autres, donc c'est compliqué. Mmh. Moi, je dis quand même aux nouveaux entrepreneurs, vous pouvez pas être entrepreneur depuis 3 mois. N'a jamais avoir cotisé à la Caisse nationale et puis finalement demander à ce qu'on vous paye pendant 2 ans. Moi, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudra faire preuve de solidarité. Et donc, moi je pense que demain, si on avait un revenu universel des entrepreneurs, c'est-à-dire que finalement, quand on est chef d'entreprise, on ait le droit aux ACEDIC, pareil qu'un salarié, on y met les cotisations qui vont avec. Mais pourquoi faire 36 caisses? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut protéger nos auto-entrepreneurs. Moi, vous savez que j'ai été président régional du club des créateurs et repreneurs d'entreprises dans les années 90. J'avais ma petite boîte. Et donc, je suis très attaché à ça. Donc, je pense qu'il faut mettre un grand principe pour protéger et baliser un petit peu nos auto-entrepreneurs. Parce que, encore une fois, la France, de temps en temps, n'aime pas les entrepreneurs et les entrepreneuses. Parce que quand ils réussissent, on dit que c'est des escrocs. C'est vrai. Et quand ils échouent, on dit que c'est des mauvais. Et donc, alors, c'est quoi la balance? Aimer ses chefs d'entreprise, parce qu'il faut aimer l'entreprise. Et moi, j'aime l'entreprise. Et quand je dis l'entreprise, c'est 3 composantes, l'entreprise. Le chef ou la chef d'entreprise, les salariés et les actionnaires. D'accord. Et donc, moi, je défends l'entreprise dans ces 3 composantes-là. Et donc, j'ai haut respect, parce qu'il n'y a pas de richesse sans entrepreneurs et sans entrepreneuses. C'est ce qui fait aujourd'hui de la TVA, des charges sociales. Eh oui. Et il y en a qui se lèvent tous les matins et ils savent. Il y en a qui font 10-12 heures de boulot par jour. Hein, exactement. Non-stop. Comme je dis, j'ai un copain qui dit je travaille à mi-temps, la moitié d'une journée, 12 heures par jour. C'est ça. Et donc, souvent. On doit de la solidarité à nos entrepreneurs. Et puis, l'échec est possible. Moi, vous savez, je l'ai connu, l'échec dans l'entreprise, et puis j'ai connu après des réussites. Et donc, je pense qu'il faut avoir un socle de protection comme on a un socle de chômage et on mettra une cotisation en face parce que c'est important qu'il y ait aussi des cotisations qui permettent de le financer. Et ben voilà, des belles réponses Richard Ramos. Il y a justement Richard qui m'envoie un messenger, dis-lui de venir manger chez moi s'il ouvre le trompeau. Ben voilà, t'es invité. Richard Ramos, la perspective, la vision sur le Covid à l'heure actuelle, comment tu vois l'avenir toi? Serein, pas serein, ou des solutions? Pas serein du tout. Pas serein parce que je pense que le vaccin va aider ou pas. Oui, il faut que le vaccin t'es alors, pour toi? Je suis pour le vaccin. Alors, j'ai à titre personnel, j'ai des fois des méfiances sur les vaccins puisque j'ai quelqu'un que je connais très très bien qui avait été vacciné et qui est devenu transformé. Je veux dire qui voilà, mais oui, puisqu'il a une sclérose en plaques, il est dans un fauteuil roulant et il ne le bouche désolé. Avec sa bouche. Et donc j'ai une histoire au vaccin qui est particulière, donc j'ai peur, d'accord, mais je crois que c'est la solution. Par contre, attention, quand on nous dit qu'il y a un vaccin qui est pas efficace, ben on le met pas s'il n'est pas efficace. Pour revenir à ta question, je suis inquiet parce que je pense qu'on est dans une crise sanitaire et on est en même temps dans une crise économique et sociale qui va se terminer par une crise démocratique. Et je pense que le Front National peut arriver au pouvoir parce que ça fait peur. Quand il y a de la misère, quand il n'y a pas de réponse à la misère, quand derrière ça, c'est toujours le lit des opportunistes, populistes et nationalistes. Eh bien, sur ces belles paroles, Richard Ramos, je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, je remercie d'être venu sur Radio Arc-en-Ciel. C'est la première fois que tu viens, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est pas facile de t'avoir, mais je suis fier de te recevoir aujourd'hui. J'espère avoir qu'on a répondu aux 2 questions et puis d'avoir fait un petit peu le tour de Monsieur le député. Je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que la famille, c'est très important. Ça vous paraît bizarre que je conclue en disant la famille. Mais moi, on peut construire des familles. C'est que dans ces périodes difficiles-là, il faut toujours penser à la famille. Et donc, on sait bien que peut-être dans nos cultures du Sud, on est proche de la famille. Il y a le socle familial. Et donc, soyez solidaires. Et donc, voilà. Et puis, j'ai une petite dernière pensée pour les gens qu'on, le président de la métropole, peut-être voudrait enlever les migrants et les clochards de la place d'Arc. J'ai une petite pensée pour eux. Parce que, quand même, aujourd'hui, il fait très froid. Et aujourd'hui, il faut les protéger. Ah, tu dois être un pote à Yves Baudard, toi. Oui, bien sûr, bien évidemment. Je salue Yves au passage qui lutte aussi. Merci. Luttons pour les restos, les bars, les discothèques qui galèrent en ce moment, puis d'autres encore, les trampolines, les bowling. Je pense à eux. J'espère que tu vas passer le mot dans l'hémicycle, Richard. Allez. Tu vas repasser le message fort, puissant, pour aider tous ces chefs d'entreprise qui méritent, qui ont donné toute leur vie pour investir. Mais toi-même, tu donnes la pêche à tes auditeurs, donc forcément, je vais repartir avec la pêche. Tu repars avec la pêche, la banane, je vais t'offrir des mandarines si tu veux. Salut Richard Ramos. Salut. Merci d'être venu sur Radio Arc-en-Ciel. Richard Ramos en direct. Ouais. Immigrante. Emigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo, amigo, retiens le message, que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo, Lucienzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Moi j'ai compris ce qu'il me faut, c'est emigrante, défendre tes origines avec une marque de qualité. Lucienzo MC vilain comme des millions, balance des phrases et mon phrasé te touche dans le million. On est tous d'accord mon frère, voilà une bombe de marque, une occasion de représenter, donc Lucienzo débarque. Affirme-toi où que tu sois, n'oublie pas tes racines, latino forever, fier de ses origines. Emigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo, amigo, retiens le message, que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo, Lucienzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. C'est bien fini l'époque, lusitano, mais je m'en fais pas, je reviens plus fort qu'avant, plus rien n'a pas. Maizu me vis, je viens représenter pour les latinos, pour la marque Emigrante. Emigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo, amigo, retiens le message, que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo, Lucienzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Emigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo, amigo, retiens le message, que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo, Lucienzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Emigrante del mundo, somos inmigrantes, representa el país de tu corazón. Emigrantes del mundo, somos inmigrantes, representa el país de tu corazón. Emigrantes del mundo, somos inmigrantes, representa el país de emigrantes, tu corazón. Emigrantes del mundo, somos inmigrantes, representa el país de tu corazón. Retiens le message, c'est Lucienzo pour Emigrante 2006. Emigrante del mundo, emigrante del mundo, emigrante del mundo, emigrante del mundo. Job avec Francky, aujourd'hui de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.